Je circule hors agglomération par temps de pluie, avec une visibilité très réduite. Afin de mieux voir et d'être vu des autres usagers, j'utilise les feux de croisement. Les feux de position seuls seraient notoirement inefficaces. Si mon véhicule en est muni, je peux aussi utiliser les feux avant de brouillard, en complément des feux de croisement, sans que cela soit toutefois une obligation. Réponse B et C.